Une soirée à la campagne. Ses regards le lendemain, quand il revit Madame de Rênal, étaient singuliers. Il l'observait comme un ennemi avec lequel il va falloir se battre. Ses regards, si différents de ceux de la veille, firent perdre la tête à Madame de Rênal. Elle avait été bonne pour lui et il paraissait fâché. La présence de Madame Derville permettait à Julien de moins parler et de s'occuper davantage de ce qu'il avait dans la tête. Il abrégea beaucoup les leçons des enfants et ensuite, quand la présence de Madame de Rênal vint le rappeler tout à fait aux soins de sa gloire, il décida qu'il fallait absolument qu'elle permît ce soir-là que sa main restât dans la sienne. Le soleil, en baissant et rapprochant le moment décisif, fit battre le cœur de Julien d'une façon singulière. La nuit vint. On s'assit enfin, Madame de Rênal à côté de Julien et Madame Derville près de son ami. Préoccupé de ce qu'il allait tenter, Julien ne trouvait rien à dire. La conversation languissait. « Serais-je aussi tremblant et malheureux au premier duel qui me viendra ?» se dit Julien. Dans sa mortelle angoisse, tous les dangers lui eussent semblé préférables. 9h03 venait de sonner à l'horloge du château, sans qu'il eût encore rien osé. Julien, indigné de sa lâcheté, se dit « Au moment précis où 10 heures sonneront, j'exécuterai ce que, pendant toute la journée, je me suis promis de faire ce soir, où je monterai chez moi me brûler la cervelle. » 10 heures sonnèrent à l'horloge qui était au-dessus de sa tête. Chaque coup de cette cloche fatale retentissait dans sa poitrine et y causait comme un mouvement physique. Enfin, comme le dernier coup de 10 heures retentissait encore, il étendit la main et prit celle de Madame de Rênal, qui la retira aussitôt. Julien, sans trop savoir ce qu'il faisait, la saisit de nouveau. Quoique bien ému lui-même, il fut frappé de la froideur glaciale de la main qu'il prenait. Il la serrait avec une force convulsive. On fit un dernier effort pour la lui ôter, mais enfin cette main lui resta. Son âme fut inondée de bonheur. Non qu'il aimât Madame de Rênal, mais un affreux supplice venait de cesser. Julien sentit le danger. « Si Madame de Rênal rentre au salon, je vais retomber dans la position affreuse où j'ai passé la journée. J'ai tenu cette main trop peu de temps pour que cela compte comme un avantage qui m'est acquis. » Au moment où Madame Derville renouvelait la proposition de rentrer au salon, Julien serra fortement la main qu'on lui abandonnait. Madame de Rênal, qui se levait déjà, se rassit en disant d'une voix mourante « Je me sens, à la vérité, un peu malade, mais le grand air me fait du bien. » Il craignait mortellement que Madame Derville, fatiguée du vent qui commençait à s'élever et qui précédait la tempête, ne voulût rentrer seule au salon. Alors il serait resté en tête-à-tête avec Madame de Rênal. Il avait eu presque par hasard le courage aveugle qui suffit pour agir, mais il sentait qu'il était hors de sa puissance de dire le mot le plus simple à Madame de Rênal. Quelque léger que fussent ses reproches, il allait être battu et l'avantage qu'il venait d'obtenir anéanti. Heureusement pour lui, ce soir-là, ses discours touchants et emphatiques trouvèrent grâce devant Madame Derville, qui très souvent le trouvait gauche comme un enfant et peu amusant. Pour Madame de Rênal, la main dans celle de Julien, elle ne pensait à rien. Elle se laissait vivre. Madame de Rênal, qui avait été obligée de lui ôter sa main parce qu'elle se leva pour aider sa cousine à relever un vase de fleurs que le vent venait de renverser à leurs pieds, fut à peine assise de nouveau qu'elle lui rendit sa main presque sans difficulté et comme si déjà c'eût été entre eux une chose convenue. Minuit était sonné depuis longtemps. Il fallut enfin quitter le jardin. On se sépara. Madame de Rênal, transportée du bonheur d'aimer, était tellement ignorante qu'elle ne se faisait presque aucun reproche. Le lendemain, on le réveilla à 5 heures, et ce qui eût été cruel pour Madame de Rênal, s'il l'eût su, à peine lui donna-t-il une pensée. Il avait fait son devoir, et un devoir héroïque. Rempli de bonheur par ce sentiment, il s'enferma à clé dans sa chambre et se livra avec un plaisir tout nouveau à la lecture des exploits de son héros. Quand la cloche du déjeuner se fit entendre, il avait oublié, en lisant les bulletins de la grande armée, tous ses avantages de la veille. Il se dit d'un ton léger, en descendant au salon, « Il faut dire à cette femme que je l'aime. » Au lieu de ces regards chargés de volupté qu'il s'attendait à rencontrer, il trouva la figure sévère de M. de Rênal, qui, arrivé depuis 2 heures de Verrières, ne cachait point son mécontentement de ce que Julien passait toute la matinée sans s'occuper des enfants. Malgré la sagesse de ses réflexions, le mécontentement de M. de Rênal n'en éclata pas moins par une suite de mots grossiers qui peu à peu irritèrent Julien. Madame de Rênal était sur le point de fondre en larmes. À peine le déjeuner fut-il fini qu'elle demanda à Julien de lui donner le bras pour la promenade. Elle s'appuyait sur lui avec amitié. Avec tout ce que Madame de Rênal lui disait, Julien ne pouvait que répondre à demi-voix « Voilà bien les gens riches !» Monsieur de Rênal marchait tout près d'eux. Sa présence augmentait la colère de Julien. Il s'aperçut tout à coup que Madame de Rênal s'appuyait sur son bras d'une façon marquée. Ce mouvement lui fit horreur. Il la repoussa avec violence et dégagea son bras. Pour la première fois de sa vie, Madame de Rênal sentit une sorte de désir de vengeance contre son mari. La haine extrême qui animait Julien contre les riches allait éclater. Il méprisait ses femmes et tous les sentiments tendres. « Quoi ? » se disait-il. « Pas même 500 francs de rente pour terminer mes études ? Ah ! Comme je l'enverrai promener !»« Mon mari ne nous rejoindra pas, » ajouta Madame de Rênal. « Avec le jardinier et son valet de chambre, il va s'occuper d'achever le renouvellement des paillasses de la maison. Ce matin, il a mis de la paille de maïs dans tous les lits du premier étage. Maintenant, il est au second. » Julien changea de couleur. Il regarda Madame de Rênal d'un air singulier. « Sauvez-moi la vie, » dit Julien à Madame de Rênal. « Vous seul le pouvez, car vous savez que le valet de chambre me hait à la mort. Je dois vous avouer, madame, que j'ai un portrait. Je l'ai caché dans la paillasse de mon lit. » À ce mot, Madame de Rênal devint pâle à son tour. « Elle renferme un portrait, » dit Madame de Rênal, pouvant à peine se tenir debout. Son air de découragement fut aperçu de Julien, qui aussitôt en profita. « J'ai une seconde grâce à vous demander, madame. Je vous supplie de ne pas regarder ce portrait. C'est mon secret. »« C'est un secret ?» répéta Madame de Rênal d'une voix éteinte. Elle monta au second étage du château, pâle comme si elle fût allée à la mort. Pour comble de misère, elle sentit qu'elle était sur le point de se trouver mal, mais la nécessité de rendre service à Julien lui rendit des forces. « Il faut que j'aie cette boîte, » se dit-elle en doublant le pas. Elle entendit son mari parler au valet de chambre dans la chambre même de Julien. Heureusement, ils passèrent dans celle des enfants. Elle souleva le matelas et plongea la main dans la paillasse avec une telle violence qu'elle s'écorcha les doigts. Mais quoique fort sensible aux petites douleurs de ce genre, elle n'eut pas la conscience de celle-ci, car presque en même temps, elle sentit le poli de la boîte de carton. Elle la saisit et disparut. « Julien est donc amoureux, et je tiens là le portrait de la femme qu'il aime. » Assise sur une chaise dans l'antichambre de cet appartement, Madame de Rênal était en proie à toutes les horreurs de la jalousie. Julien parut, saisit la boîte sans remercier, sans rien dire, et courut dans sa chambre où il fit du feu et la brûla à l'instant. Il était pâle, anéanti. Il s'exagérait l'étendue du danger qu'il venait de courir. « Le portrait de Napoléon, » se disait-il en hochant la tête, « trouvé caché chez un homme qui fait profession d'une telle haine pour l'usurpateur, trouvé par M. de Rênal, tellement ultra et tellement irrité. » Une heure après, la fatigue et la pitié qu'il sentait pour lui-même le disposaient à l'attendrissement. Il rencontra Madame de Rênal et prit sa main qu'il baisa avec plus de sincérité qu'il n'avait jamais fait. Elle rougit de bonheur et presque au même instant repoussa Julien avec la colère de la jalousie. La fierté de Julien, si récemment blessée, en fit un saut dans ce moment. Il ne vit en Madame de Rênal qu'une femme riche. Il laissa tomber sa main avec dédain et s'éloigna. Il courut à la chambre des enfants. Les caresses du plus jeune, qu'il aimait beaucoup, calmèrent un peu sa cuisante douleur. « Celui-ci ne me méprise pas encore, » pensa Julien. Mais bientôt il se reprocha cette diminution de douleur comme une nouvelle faiblesse. « Ces enfants me caressent comme ils caressaient le jeune chien de chasse que l'on a acheté hier. »